vu qu'il n'y a pas de budget de double lettre ici dans le coin, là, c'est sûr que on a quand même un bon potentiel, un bon fond, sauf que cette année, il y avait seulement que 32 joueurs au camp pour le midget double lettre. Donc, vu ça, ben, c'était pas possible vraiment de faire une équipe double lettre. Plusieurs joueurs étaient partis aux études, plusieurs joueurs étaient à l'extérieur. Là, fait que c'est sûr que l'absence des castors cette année a sûrement été quelque chose que, à notre faveur, sauf que comme j'ai dit, en ayant très peu de joueurs comme ça, là, c'est sûr que ça a quand même, dans un sens, favorisé aussi la... Et deuxième temps, il est vraiment surpris du calibre cette année. Ben moi, je suis quand même resté surpris, là, justement, du fait que oui, le calibre est très, très fort. Il y a d'excellentes équipes au Saguenay, il y a une excellente équipe à Saint-Félicien. Puis c'est des équipes qui sont un petit peu comme nous autres, dans le fond, sauf que les autres ont un meilleur bassin, là. C'est qu'on retrouve là-dedans des joueurs d'à peu près tous les niveaux. Puis il y a des joueurs souvent qui ont choisi de jouer justement dans le midget A, là, si je pense là, à Saint-Félicien ou même les autres à l'extérieur. Là, on a des joueurs qui ont joué du double lettre puis qui jouent cette année dans le simple lettre, puis qui fait que le calibre est quand même très intéressant. Dans un dernier temps, ben on va parler du côté des séries éliminatoires. Il va quand même de bon œil l'approche des séries. Ah, c'est sûr que là, notre saison est terminée. Ouais. On a terminé, comme vous dites, avec deux gros tournois qu'on a remportés. Là, on est en attente des séries. On a eu une très, très belle fin de saison là, depuis Noël. Là, on peut pas dire que l'équipe a eu trop de difficultés. On a très, très bien joué. Les gars sont prêts, je pense, pour les séries qui devraient commencer aux alentours du 10 ou 11 mars, si je me trompe pas. Okay. Présentement, on est en pause. Y a-t-il des jeux? Comme à tous les mercredis, je vous donne le classement POC sur le site internet classementpoc.com où on détermine les équipes simples lettres dans le secteur. On retrouve au niveau Bantam les Rapides de Dolboom-Sessigny au 8e rang. Les Hurricanes de Massouillage se retrouvent au 21e rang et on retrouve également les Ambassadeurs de Chicoutimi au 88e rang. Niveau Midget, le Marcos Pop de Saint-Félicien sont au premier rang et les Ambassadeurs de Chicoutimi au 38e rang. Et au niveau Junior 2A, les Épervilles de Normandais sont au 27e rang et les Sabres de Robertval sont au 37e rang. Je vous invite à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Hier, on s'est entretenu avec Pascal Masson où on parle de l'embauche de Mark Trestman avec les Argonauts de Toronto. Également, je me suis entretenu avec Sylvain Tremblay des Castors de Dolbeau où on parle évidemment du dossier des loups de Dolboom-Sessigny. Et vous pouvez également écouter l'entrevue que j'ai réalisée aussi avec Richard Letourneau, le président des Saguenayens de Chicoutimi. Le sport local et régional à danradiosport.com. On s'en occupe.